de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. C'est le moment de Brezhoneg tam atam, kentel, Brezhoneg tam atam, kentel pemkan, ou non la trégon, c'est ça, 531, on dit ou non ou ou non. Oh, une onde. Une onde même. Une onde, oui, oui. On met toujours donc le 500, après on met l'unité, et puis ensuite on met les dizaines, ça c'est les Bretons qui font comme ça. Qui se regrette. Comment, Henri, quel est le mot qu'on va voir dans Guerriou Arvué aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est Tiantan. Tiantan, qui veut dire le premier, hein, voilà. J'étais en train de penser à ça l'autre jour, je pensais à la chanson Marthe Lodion. Non, si tiens tant ma heure et demie, moi, commandement, de Gervis, j'y aurais les baisers contents. Puis je me suis dit, tiens, j'ai pas traité ce mot-là. Donc, c'est un adjectif numéral qui signifie premier. Alors, c'est un superlatif, hein, d'un mot qui veut dire avant, qui est Kent, hein, qu'on n'emploie pas souvent, qui a donné un comparatif qui est Kentor et un superlatif Kentan. Voilà, c'est un vieux mot celtique, hein, qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, actuellement. Et alors, on peut le placer avant ou après le nom, par exemple. Rien de tant de couiche, rien de tant de couiche, moi, Gwédelis, Omar ira d'Inroirzi. Ah oui! Ouais, la première fois que j'ai fait la cour, c'était à la fille d'une veuve. Ouais. Draguée, quoi. Voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais. Rien de tant de couiche. Alors, on peut dire rien de tant de couiche ou Arvégien de temps. Hein. C'est pas tout à fait le même sens. Hein. C'est plus emphatique de dire rien de tant de couiche, quoi. On insiste vraiment sur le fait que c'était la première fois. Hein, c'était plein d'émotions, ce brave garçon. Voilà. Ma grand-mère, dont je parle souvent dans mon émission, là, disait souvent, bah, me hommes en dien de temps, pour dire il y a très longtemps, quoi. C'est-à-dire du temps de sa jeunesse, hein. Elle était née en 1886. Et moi, quand j'entendais hommes en dien, bah, me hommes en dien de temps, je voyais ça vraiment comme pratiquement la préhistoire, quoi. Mmh. Hein. Et effectivement, ce qu'elle nous racontait, ça, c'était vraiment quelque chose d'un peu mystérieux pour nous, quoi. Ouais. Une vie totalement différente de ce qu'on connaissait, quoi. Et depuis déjà ça, à l'époque. Déjà à l'époque, quoi. Voilà. Alors, selon qu'il est placé devant, alors quand Tiantan est placé avant le nom, la mutation KCH, hein, s'applique quel que soit que ce soit du masculin ou du féminin, on dit rien de tant de pote, par exemple, le premier garçon, rien de tant de plard, la première fille. Par contre, si c'est placé derrière, la mutation dépend du genre. Hein. Par exemple, on va dire un initien de tant de le premier, un initien de tant de la première. Par exemple, on dira aussi l'aude de tient tant, hein, la première partie, ou rien de tant de l'aude. Hein. Voilà. Comme Guerriou Arvué. Hein? C'est la Loden Gentan, Guerriou Arvué. Oui, oui. Loden Gentan, Nambaden, oui. Voilà. Alors, pour lire quelque chose de proche, par exemple, dimanche prochain, Dissultien, tant vaut, pardon, de battre Malgat. En plus, ça tombe, c'est vrai. Au jour où ah, on mais oui, c'est la Saint-Gilda. Oui, 29 janvier. Ouais. Donc, en plus, c'est vrai, quoi. Alors, une façon de construire, hein, on a parlé de ça tout à l'heure. Par exemple, pour le 21, on va dire un détient en Warnugen. Un détient en Warnugen, il y a ça dans une chanson, un détient en Warnugen, disait une tienveur, hein, le 21 janvier. Hein. C'était le tirage au sort des conscrits à Saint-Nicolas. Ah ben oui. Ouais. Alors d'autres expressions, qui est la vaut rien de temps, hein. Qui est le rien de temps pour en abréger, hein. Voilà. De non tient temps meurt, je l'ai déjà dit, hein. Tient temps trames d'obor, hein. Tient temps trames d'obor, la première chose que j'ai à faire, hein. Tient temps trames d'obor, puis vingt sorbes et vos bords café, hein. Voilà. Alors rien de temps. Oui, alors par exemple. Rien de temps de semis, c'est le premier jour du mois. Et bien sûr, un détient en blanc, hein, le premier jour de l'année. Hein. C'est important, ça. Ah, ça, c'est très important. Quoi. Dans le temps, on faisait le tour du village Mais on continue par endroit. Par endroit. Oh oui. Ouais. Par endroit. Ça revient un petit peu. Hein. Et puis il y avait le café des Tiantembla. Ça durait jusqu'au mois de mars. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est, bah, oui, c'est plutôt que... les jeunes qui vont voir les anciens dans ce. Ah, normalement, on allait voir les personnes plus âgées que soi. Ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est. Eh ben la tradition est respectée par endroit. Ouais, ouais, par endroit, oui. Ouais, ouais. C'est une période de vœux. Maintenant, c'est beaucoup par SMS, mais enfin. Bon. Alors, l'expression de Diantan, hein, au début, hein, pour commencer, d'abord, hein, voilà. Krogrom de Diantan, hein, et qui s'accuse. On ne l'a pas tout, voilà. Diantan de Clèves, tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, ça peut être ironique parfois. Diantan de Clèves, c'est quand on apprend une nouvelle et puis on dit, tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Mais des fois, c'est ironique. C'est quelqu'un qui nous révèle une banalité que tout le monde sait, que tout le monde connaît. On dit, ah, Diantan de Clèves, tiens, c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est ironique, ouais. Et puis, pour terminer, un proverbe. Valani Wilzoahar, vigour de Diantan. La plus mauvaise cheville de la charrette, c'est celle qui se plaint la première. Ah. Alors, c'est un sens. Je comprends. Ouais, le plus mauvais ouvrier, en fait, ou le plus mauvais dans c'est quelque celui chose. Qui arrête pas de c'est se celui qui arrête pas de se. C'est lui qui commence par se plaindre, quoi. Bon. Voilà. Eh ben, voilà pour Diantan. Et la pendule sonne la fin de Garriou. Au revoir et on passe à la seconde partie. Érib, raison nectant matam. Et aujourd'hui, quel mot on va voir? Alors aujourd'hui, on va reparler d'un mot dont on en a déjà parlé une fois. C'est le mot blaves, pour le blavet. Le mot blavet, alors qui est un mot pré-celtique, en fait. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est d'un peuple qui précédait les Celtes. Hein, c'est très ancien. Les Celtes en Bretagne. Et donc le mot qui désigne ce fleuve côtier. Alors j'ai pensé parler de ça parce qu'au 1er janvier 2017, les trois communes de Lagniscate, Perrette et Saint-Gelvin se sont associées pour créer la commune nouvelle de Bon Repos sur Blavet. Mmh. Particulier, hein. Oui, comme oui, nom, c'est hein. Oui. Alors qui associe un Bon Repos qui est un lieu emblématique du centre Bretagne, hein,

Et puis ensuite, il alimente depuis 1930 le barrage de Guerre-les-Dents. Puis ensuite, il se dirige vers Pontivy. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que tout au long de son cours, la prononciation du nom change. Hein. Ici, on prononce Blaves, et puis au fur et à mesure qu'on avance, ça devient Blauer. Voilà. Inventé. Et puis après, bon, il se dirige vers le pays de l'Orient. Voilà. Ben voilà un petit. Il y avait l'abbé Motreff qui avait fait un diaporama, justement, sur tout le long du Blavet. Je ne sais pas ce que c'est devenu après sa mort. Je ne sais pas si quelqu'un a encore ça dans ses archives. Mais c'était très intéressant d'écouter l'abbé Motreff qui racontait cette histoire du Blavet, de la source à l'embouchure. On en reste là, Henri ? Ben on va rester là sur le Blavet. Et on passe à Pétraz au Névervron. C'est le moment de la troisième partie de l'émission La Gazette d'Henri Le Naou ou La Gazette d'Henri Le Naou. Héri, Pétraz au Névervron. Ben calze dro et vel jus boervej diouzan. Krogom ne djantan et vel kiz a custum gant ur vue oa ar mez a vel ar bourdouar. L'arret ve aliz e breiz bro en dour, bro ur glo. Plus dur, breiz e zo ba kucho el bro vrans hag ur glo ta aliz de zun tuze. Mais de blanc, on n'est que guir tambet, plus dur, boué un éve amzor, ne ce be calze dour, calze zour, pélarin mat, hag ban amzor. C'est tu, blanc me zo or zer ou pas de gouan, peso, pesvec gouel d'alise, hein. Or zer ou dis, clé gouel un meuse ou a isel un dour, len gouerlé dans me plaire, ne ce que dour oar. Bon, ma treize un teille un dour, vech pelleket, hein. Mais bon, moi, j'ai un homme qui a un tuyin, hein, avec un zéroir de vos que d'où du stuvres. Bon, comme j'en vraiment un temps de ce l'arbre d'ouar. Drevras, or blaze, au tramé, la dazé, et au béval, vide l'arbre d'ouar. Mais ma trésaine, vous gouez l'arbre blanc. Et vide sa verrien zout, sa verrien zoulès, puis la rinbat, half et bout de gouez l'arbre d'ouar. Qu'al se produire, rien l'aise, et au classe, comme on ou arzu, or l'arbre d'ouar bio. À ma treizaine vie dernière, où on doit avoir, vie d'énormes genres de zones. Mon ouartu, ouarzu, l'arbre d'ouar bio. Ouar mara de mort, zéblan, trop, mon entam gouelar, marément. Déjà, bah, bla, tramine, de, ouais, gouelar, bla, vie de, prige, ou vie de bla, roc. Ag, ma treizaine plus dur, zoé, zombe de garde, qui mort, ouar arbitre, et vel, bah, brochine, zoé, au goulen brasse, et vie de, ri mort. Un évêso et bédim bandet, disor ou, rien à bord boblance, mais je vais l'art de recensement, vidor blad, ovid perzek. Dur vers Red Grotta son temps, Ben Graden Dizorou. Ababro Kreis Breis, Ames au Cals de Barrujo, à ne scole d'un temps, Dernel ne scresque d'un temps, d'asquir, Calac ne scole d'un temps, Calac de Wildo Handin au Chum, à ne scole d'un temps, Rostren ne scole d'un temps, Rostren me strasse au mur vitrimil, mais colonne d'un temps, Boulevruyak au Chum, Mames Maud, Bagwen gom et eden un temps man wardro ou un mesra plusieurs zones wardro 16000 din pes ne que cal sa vie de tier wen gom hein ag boblans grèce tro wardro vel va pouvoir gor ma pouvoir gor zo spen pen mille du bénéfice vos tien bras pouvoir gor vel gwen gom a bazan nicolas zo zo col don tom tostor de som zani gouden zo ram de ce cresque d'un temps, plusieurs au camp, perse gatrugen din, au chomb, bazanigouden, bapurut au père mur, vide bazanigouden, hein, à purune de ce cresque d'un temps, mi vei, à spimeuse d'air, cresque, pé, milo en onné, ou à spen, ouer quand le dut, chomb, bapurut, spen tergouge mur, vide so vraiment. Bah, mel pissillon, zo col d'un temps, bah, qui en grismuel ou un temps, très mal gagne de ce cresque de street dragon. Ya. Ag, mezan, zoaï, tu del roas de chom. Bon. À l'ocarn, ne se disgresse que de mad, hein. Un temps mad, et Edward Rowe. Bon. Boyen dit, tient en blase au changement de, bah, bro, gwengam, plus dur, bromen, et bécrou de, alors, GP, Tergoéja, puis GP, 3, ZRF, GP, Strolat Parouge, Hir, à Lidan, hein, de ce Inesvri, à Bétazanigou, de Nam, à Carnoët, hein. À de nos Visjenver, ou à Mvod, bah, Gwengamb, hein. Mvod, tout de Gusulérien, hein, zo Spen Perugen, Gusulér, Bomen, vide de Strolat Parouge, un drachien tant ou à d'obre et juste, hein, vel, dermat, ma Provence et diba pour président. Vider stolat par rouge, ou révélat pour président dermat, hein, ou à regardant, ag d'obod, ou à rink, hein, ou à vissant le mot, mer plog un trier, ag, Bernard Hamon, autre ou mer plouvoir, bon. A bénéfine, et d'ormeau, quand vissant orméo, ag bon pemse geiz président zo pedrang vet ag no pevo comme je des réseau bavro am zo Claudine Guyou ba boulevriag Claude Lozard ba loyuk maire loyuk Alice Bouillot itron vert escalac bon zirai kalz du da zirai kalz changement zo ivé ba bro la niskat plus dur, Interbarus, Laniscat, Zangeldwen, à Perret, Zoed, Operonon. Ag, Hanvede, bon repos, sur Blavé, Orang, puis un mot de l'Arzine, Brésan, plus dur, discuisement, de voir Blaves, mais un drame des Kédis, hein. Gogel, lui, j'ai l'art de Bonnard et QM, Brésan, donc, hein. Ag, Mère Zangeldwen, Michel André, Zo, Hanavenma, Bavro, Zo, Behant, une mère, Barus Neve. Bon. Ag, mameusement, m'en béconde, bah, mûr, plus dur, mûr à Zangwen, zo être sembleuse d'ober, parous gurlé d'an. Ag, juroir, banam zor de zone, vos gwel et parous joël, au nom de lac et semble, d'vidor, parous au bras, or, hein. Gwel et vos, pésamo de vos connes. Et vichon mon temps, ward d'acheneur politiqueres, Christian Troidec, maire Carrez, nous, display Gadendel, onge, Irak 13, et vide, vote à dégoût, vos bamismes, et vide caud, ou président de Neve, ou à. Je me jontre, garde en République, mais bon, ne ce que d'aille, mais ne ce que caven, mais n'entend de zinadur, y'a ou, et red caven, t'as quand c'est zola, bourroise, vide en de brezant de fait. Aïe point dans, comment on stosse, t'as le manu, mais jonge de rendra benekada. Bon, bah, la rue, vision mon temps, bavro, hein, zobé, donne, bah, blavez, yozo, calzerac, tressou, et vide, belage, en zan, n'entend. Belage, en zé, zobé, dilesque, d'un, osque, d'un, bétine, au chomé, là. Hag, sais-tu, oa bezarved, o ne baplai a ouzo ar gevridig ez mir ez an danton, evit or o sort de greizen zevenadur, ba greizen zevenadur el ba zan ton. Hag bon, benefin, oa et un trog de val, n'oan ketet betapen, hag prene oa bet un tir, tout un tir, zo bet prene gant strolat parouj ou kreiz breiz, ar CCKB. Hag ur stal kanab, oa bendon stal yed enan, la chanvrier, met ur stal ze zo et bremant oa arag, hag bon e chom a di lusk de bel agen. A triblasso, bremant vek red trou pa nan, evit ur gwell zo hant vet lieu mouvant. A bremant zo rak tres, evit ober bazan danton, skolu el ur gwelletva, gal hag institut du paysage, ur ak tresez o zavet gant un obetu d'un dro de Jean Chalit, zo rana ad mar bavro an eus krou ad lieu mouvant. Hag ur ak tresez o vo kas de ben gant ur gevredigez a gant ur CCKV. Dans mon tamm bremañ war a dach en zevela dur evro. Daou lasso oa bet daou ugen lasso. Oa bet krou ad tientan skol di wan ma guit almeze. Or skol van me oa gant pem bugel. A de houl se me jonj, oa ke bet gret kalz de drouz gant se, bon, den bet ne jonj evi je bet dispak de skol ze velman me waler. Gouskoud e zezo bet vid breiz, or guir burzut, ka ma ne vije ke bet di wan, oa anke pe sa mot, vije bet ed en trov vid an brezon de gant. Peut dire Waller zobet get kaz skolio gandiwan ag Waller zobet crew classe audio yes gandio yes a gandiune mais de a crew zobet stumadurio évident brison la vide vi dis qui brison donc de noix d'orien non a remis mais tout un trou je zo de diwan bénéfine a cet ubamis mais je vis d'un diabla Diablas de Baguit Almese, à Wallon, j'ai vu voir Bacal de Blas Oel, puis du Rosis au bon endroit, Bouise, même Stram. Bon, sais-tu, Oise, un DL ou Abbé de j'ai vu, Cardor président Neve de Cusul Zévenadur Albreis, conseil culturel de Bretagne, je l'arne Ingalak. De l'Acadan président Neve, Baplage Jean-Bernard Vigetti, Ag Bernes Rouge, au Béchois, j'ai révisé Bernes Rouge, au Randavenmard, un grand neuvraison égalien, puis j'en ai ce Bélabour, bas France Bleu Brésil, là-bas FRTRI, Ag Bonne, Randavenmard, Bavro, en même. Bonne, c'est une tombe de Spéso Neve, Bavro, j'ai bête de Randar, Tienor Végel. Dit Norvégel, Morgan, j'ai bid de... Kino, Eric.